on peut pas commencer demain, mais on commence, il faut dire l'histoire, la vraie. La clarté vient de la vérité. Oh, ça commence fort. Université Laval, de Coninck, Renald Gagné, invité pour parler de Robert Choquette. On m'annonce le grand poète des temps nouveaux, celui qui est précurseur, qui amène les mots à travers la fougère heureuse qui se dresse devant les mots et la stratégie intellectuelle. Et j'ai nommé lui-là. Et là, c'est sur lui-là que moi, j'ai monté sur scène et j'ai pris le micro et je me suis adressé au public en disant, lui-là, c'est moi. Mais ma mère, mon père, mon peuple ont mis un nom et un prénom sur un être passablement obscur, étrange, voire même baroque, qui vient ce soir vous parler de Robert Choquette. Bon, je sais que sa poésie peut choquer certains auditeurs, certaines oreilles trop frileuses. Et quand ton oreille est frileuse, elle va bleuter. Quand ça bleuit, fais attention, ça risque de tomber. Ben oui, parce qu'il y a eu gel. Hein? Aussi, c'est pour ça qu'elle tombe, il y a eu absence de sang. Il n'y a plus de circulation sanguine. C'est de là le bleu. Et par la suite, comme le disait mon ami Van Gogh, attention, elle va tomber. Il parlait de son oreille, mais lui, il l'a tranchée. A tranché. Comme à la guerre de sécession. J'ai l'impression. Est-ce que c'est la guerre de sécession? J'ai l'impression que c'est ça, hein? Où tout le monde était dans. Oui. Exact. Dans les tranchées. Mais celui qui n'avait pas peur d'aller dans les tranchées, c'est le pain. Le pain tranché est heureux, lui, parce qu'il sait que sa mission, c'est de se trancher. Il l'est déjà. Donc, se cacher dans une tranchée, pour lui, bah, il n'en fait pas des miettes. Il observe la croûte, qu'elle soit terrestre ou de sa propre personne. Ben oui, c'est une tranche de pain, sa croûte. Bon. Et maintenant, il faut souffler. On n'a pas le public ce soir-là. On n'a pas le public. On l'a jamais eu. Et donc, à l'université, j'arrive devant des assoiffés de littérature, de poésie et de compréhension hirsute. Et quand on parle de compréhension hirsute, on peut évoquer ici l'improvisation, mais aussi sans gêne. Le côté hors norme, comme le peintre qui, avec son pinceau, essaie de recréer ce qu'il a dans la tête, dans le cerveau, dans l'imaginaire, et sans gêne, le crash, hein? Le crash, comme l'avion qui tournoie et qui voit le sol arriver d'une manière tellement brutale qu'elle ne peut faire que donc l'absurdité avait déjà dit son mot et moi devant le micro et dans le pavillon de Coninck j'étais heureux de parler de mon ami Robert Choquette qui pour les non-initiés. Il y en a pas mal, hein? Non, mais il y a Ticu Boudreau, là. Il croit tout savoir. Lui, il dit, mais moi, je le connais. Puis aussi Nelly Guin. Ben oui, mais Nelly Guin, tout le monde connaît Nelly Guin. Ah, comme à la neige a neigé, ma vie est un jardin de givre. Il n'y a pas grand monde qui ne connaisse pas Nelly Guin, au même titre qu'il n'y a pas grand monde qui ne connaisse pas le... Bon, il y en a. Henri Michaud. Bon, ça, c'est un des connus, Henri Michaud. Après ça, dans la poésie, Prévert, ben ça coule de source, tout le monde de Prévert. Même Robert Choquette. Avez-vous déjà entendu dans les soirées de thé Vous savez, quand on passe le thé pour les petites biscottes, c'est bon ces petites biscottes-là, mais ça fait des graines. Puis quand ça fait des graines, c'est disgracieux. Et quand c'est disgracieux, ça n'a pas de classe. Quand ça n'a pas de classe, ben, c'est loin de l'embourgeoisement. On cherche la structure qui pourrait nous amener à combrer, pour ne pas dire à bander. Et regarder le peuple de haut, en redressant le nez, et en baissant légèrement les yeux, le regard, pas les yeux, le regard, les yeux restent là, les yeux restent présents, fixes, mais légèrement descendus vers le citoyen qui, la bouche ouverte, attend que vous dévoiliez. Dévoiliez. On va dévoilier. En 84, on s'est fait avoir avec des voiliers, hein? On en voulait-tu? On en voulait, on voulait avoir des bateaux. On nous a amenés dans ça, là, c'est mémorable. C'est mémorable, là, dans l'échec, là, il faut pas l'oublier, celle-là. C'est vrai, en 84, on avait organisé à Québec un événement extraordinaire. On voyait là presque l'émeute sociétale. Les grands voiliers. Donc, il y a des gens qui allaient partir de l'Europe pour venir ici avec leur bateau. Là, ben, les gens se seraient amassés dans le vieux port de Québec pour voir ça. Donc, les bouchons de circulation, il fallait rester à la maison, prendre l'autobus, ne pas rester à la maison, mais venir voir ça. Puis, utilisez pas votre voiture, vous allez créer l'embouteillage. Et l'embouteillage est l'ennemi numéro un d'un événement qui se veut festif et également populaire. Et là, le monde avait peur. On n'ira pas voir ça. C'est. Peut-être qu'il va y avoir des cerveaux un peu flous, pour ne pas dire faux. Ça peut virer en émeute, ça, là. Mais beau des voiliers. C'est beau des voiliers. Ah, c'est, moi, j'aime ça, des voiliers. J'en mets 3-4 dans mon bain. Là. Je joue avec ça. Vague, vague, tout le long de la rivière. Vague, vague. Moi, j'ai un petit bain. Mais bain de l'imagination. Fait que, mais j'ai des petits bateaux. Très, très petits bateaux. En fait, mes embarcations font moins qu'un petit doigt. Alors, c'est petit, hein, c'est, s'il vous plaît. Là. En fait, c'est la grosseur d'un cure-dent, la largeur d'un cure-dent. Et moi, je fais jouer ça dans l'eau. Là. Vague, vague, tout le long de la rivière. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se souviennent, là, parce qu'on parle de bateau dans un bain. Avez-vous vu le film italien où la grande actrice Avril, mais juin, non, mais voyons donc, de Almodovar, hein, c'est un grand cinéaste, Almodovar, hein, au grand ami de la chanteuse, là, Madame Fortin, Madonna Fortin. Et moi, j'ai rencontré Madonna Fortin en 84, là. Hey, un virgin, hey, on cherchait ça. Ça vient d'où, cette virginité-là, madame Madonna Fortin? De votre prénom ou de votre nom? Êtes-vous crédible? Dans la petite vierge, j'ai pleuré. Oh, je n'ai jamais rencontré Robert Choquette. Ah, ma carrière ne sera pas ce qu'elle sera. À pleurer. Donc, à l'Université Laval, hein, j'ai levé le micro, j'ai dressé la tête et j'ai dit « Bonsoir, ami poète. Bienvenue à cette rencontre intimiste. Merci d'être venu en grand nombre. C'est aussi volumineux que les grands voyants en 84. Vous êtes à voir, c'était tout programme. Vous êtes à voir, hein? Fuck you! Pardon? J'ai dit, c'est vous! On n'a pas entendu ça, nous, là. On a entendu Magnou. Ben oui, Magnou. Puis, ça dérange-tu, ça, dans ta vie? Ça va-tu t'empêcher de prendre ton petit café demain matin, toi, là, là? Tu vas toujours mettre 3 crèmes, 8 sucres. J'aime ça, le café. Hey, 3 crèmes, 8 sucres, faut aimer ça, le café. Qu'est-ce que tu veux masquer là-dedans? Oh, mais moi, c'est le côté âcre du café. J'aime pas ça. Je bois le côté âcre. C'est comme la vie. Le côté âcre, le lundi, c'est âcre. Le mardi, c'est âcre. Le mercredi, c'est âcre. Le jeudi, c'est âcre. Et vendredi, c'est âcre. Alors là, Robert Choquette. J'étais prêt à délivrer toute ma connaissance en ce grand poète québécois. Qui est né, bien sûr, comme tout le monde le sait, en 1905. Le saviez-vous? Non! Baissez les yeux. Penchez la tête. Et dites-vous, oui, j'irai dans les bibliothèques manger tous les mots de la création de mon ami Robert Choquette, puisqu'il a fait quelques livres de poésie. Et je suis ici ce soir pour vous faire cette nuit, ce matin, aujourd'hui, maintenant. En tout cas, là, là. En tout cas, c'est maintenant. C'est pas maintenant. Ah, OK, ce qui vous bloque, madame, là, c'est pas le fait qu'on vous récite notre ami. Si vous avez entendu ça, voyons donc, tu l'as pas entendu. On l'a pas parti. Vraiment! Amène le générique! Aujourd'hui, le lundi, ah, c'est un lundi comme les autres, là. Monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mon kiki! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Robert Choquette, je sais que tout le monde est presque choqué de ne pas connaître ce grand poète québécois. A écrit plusieurs textes d'envergure et je me penche aujourd'hui. Donc, j'y vais, je me penche. Non, mais pas le micro quand j'ai le front à côté, toi, là, là. J'ai toujours demandé quand je fais des conférences de presse ou pas pressé. Moi, c'est comme le poulet, pressé ou pas pressé. Je m'envole pas. Coule pas de tête, coule-toi comme tu veux, puis va-t'en vers l'horizon le plus lointain, sans jamais. Et ça, là, avec les années, vous allez comprendre, sans jamais se retourner. Parce que tu sais pas ce que t'as fait en arrière de toi. Donc, laisse-toi sur une impression. Mais je crois que les gens avaient le mouchoir en l'air, les larmes aux yeux et la goutte au front. Quand tu te retournes, il n'y avait personne là, hein? Fait que garde-toi l'impression d'avoir, man. Y en a-tu du monde qui ont de l'impression, qui se donne cette impression-là? Ah ouais, non. Anniversaire. Nous serons des centaines à chanter, à manger et à pêcher. À quoi? Des centaines à manger, Qu'est-ce que vous avez dit, votre chanson? Est-ce qu'on peut réécouter la chanson? Êtes-vous capable de replacer ça là, sur l'aiguille 57-32? Ça, c'est la durée. Vous êtes recto verso, vous? Bon, on comprend ça. Non, on va pas aller plus loin. On ne fera pas une affaire d'État avec ça. On va rester calme. Parce que dans la vie, quand tu tiens les rênes, tu contrôles tout. Mais là, les reines, il n'y en a plus de reines. La reine d'Angleterre, non, c'est pas ces reines-là, c'est les reines à quatre pattes. Mais la reine, j'ai déjà fait à quatre pattes, moi, là. Hey, ça, c'est en 1972. J'étais invité pour parler de mon ami Robert Choquette devant la reine. Mais pas la celle-là, là, la reine maman, la maman, la. Oh, c'est la maman, la balado, c'est la maman, la maman, Élisabeth, Élisabeth mère. Ben, on l'appelait Élisabeth Mémé, même quand elle avait 32 ans. Elle était belle, on l'aimait. Son grand plaisir, c'est de prendre du plaisir à boire du porc. Elle savait que elle, de porc en porc, les hommes ont des femmes, de porc en porc. En 84, pendant les grands voiliers, les marins s'attendaient à avoir bien de la femme, là. Pas d'une femme, de la femme. Et il s'est rendu compte, le pauvre, qu'il n'y avait personne. Parce que les médias avaient fait peur à l'événement. Quand tu fais peur à l'événement se cache et puis il s'en va comme dans un trou noir. Puis le trou noir, ben, il fait pas clair, il fait noir. C'est bien beau, mais le marin, lui, cherchait sa femme. En tout cas, pas sa femme, mais la fille à amener avec lui dans sa petite chambre intime. Parce que chaque marin trouve sa femme dans chaque port. Et puis, donc, il aimait le port, le gros cochon, Raymond. Raymond, c'est le rempoyer du beau scan! Du beau scan. Mais le beau scan, là, ça, c'est la troisième génération des Raymond. Il était là, puis attendait, lui. Il zyotait, puis attendait. Ce qu'il voulait, lui, c'est l'avoir. Pas l'avoir, mais l'avoir. L'avoir de près. Il s'est dit, on s'en va à Québec, c'est un événement, là, putain, il y aura foudre, parce que là, il voyait pas, lui, il était juste un caliment, il était loin. Il y aura foudre, donc il y aura gonzesse. Qui dit foudre, dit gonzesse. Alors, le bateau se rend, lui, il se rend aussi, parce qu'il était dedans, tu sais, que tout le monde serait arrivé à la même place, au même port. Mais d'aventure en aventure. De train en train, de port en port. Encore jamais, je ne le jure, je te le jure, j'ai pu oublier ton corps. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port. Je ne le jure, j'ai pu oublier. Mais lui, il voulait vivre ça, lui-là, là, du Serge Lama en 3D, HD, puis numérique. Quand tu parles de 4K, mais moi, il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, je parlais de 4K. Il dit, fais ça pas un coup, mais c'est plus rendu à 4, là. Wow! C'est monté, là! J'ai dit, voyons donc, j'ai même pas télé 4, moi, là. j'ai la simple HD, là, 1080, puis... Non, t'es pas dedans. Ouais, mais hey, écoute bien, là. Moi, j'écoute Agnès Varda, les films d'Agnès Varda, là-dessus, Éric Rohmer, que ce soit en 4K, en 18K, mais faisant pas un coup, ça va rester un film de 1962. Ça peut pas être modifiable, ça, là. Puis, en même temps, je veux pas avoir un film comme si j'avais l'impression... Tu sais, c'est ça, la télévision, là. On veut te faire vivre l'intensité à 100%. On veut te faire amener les personnages chez vous. Je veux pas avoir tout ce monde-là chez nous, moi, là. Comme ça, moi, les films de psychologie, mais je veux pas avoir toutes les détraqués qui ont... Moi, j'ai fait ça dans le même moment, mais on va venir dans mon temps. Oh, OK. Et puis après, moi, j'ai demandé, mais il était pas là. OK, il était où? Mais il était parti, puis il me tombe. OK. Tu comprends pas, tu fais pas répéter. Tu dis OK. Parce que sinon, il va pomper. Plus il pompe, après ça, il délire, lui, là. Puis plus il délire, plus tu sais plus ce que tu vas y dire pour le calmer. Veux-tu un petit verre d'eau? Là, tu sens que tout est en train de sortir. Alors, j'étais à l'hôpital psychiatrique pour raconter Robert Choquette. J'aimerais remercier tout le personnel qui était là pour me médicamenter pendant que je lisais du Robert Schuchat. Et je remercie également Robert Schuchat d'avoir existé en 1905 pour avoir écrit la poésie pour moi-même aujourd'hui, le rappeler aux membres qui n'ont plus leurs membres et qui ne se souviennent plus de ce qui était Robert Schuchat, puisque même à l'origine, ils ne connaissaient pas ce gars-là. Il disait, voyons, là, c'est qui ce Robert Schuchat? Faut pas avoir peur, là, tu sais, la médiocrité intellectuelle est partout. Partout. Où tu vois, c'est partout, la médiocrité intellectuelle. Tu peux parler à quelqu'un, là, et puis la météo. Ah, la météo! Tu sais que la météo vient avant la genèse, le primisme. C'est la genèse, c'est le début, là. C'est le début. Et puis le début de quoi? L'astrologie? Chinois? Non? Québécois? Hey! Le jour où les gens vont étudier l'astrologie québécoise, là, le monde entier risque de vivre un moment révolutionnaire grâce au Québec. Pas juste le général, restez chez vous, les grands voiliers 84, Robert Schuchat, bon, 1905, on y va. Bonsoir, mademoiselle, madame et les autres. Je suis ici à l'Université Laval, dans cette très belle salle au Deconinck, pour vous lire une bride. Un court extrait, pour ne pas dire une virgule même d'une œuvre imposante que Robert Schuchat, né en 1905, a écrit. Rassurez-vous, ce n'est pas en 1905 que ce texte a été rédigé. Il venait de naître, là, t'es. Allume, là. Hé, la Gauloise, allume, là! La Gitane, allume! Arrête de boucaner, mais allume, là! Pas commencer à écrire en naissant, quoique dans ses neurones, intellectuellement très vivaces, il avait un fil conducteur qui était sa mère. Alors je vais vous lire « Vivre et créer » de Robert Schuchat. C'est un texte de 622 pages. L'émission Errance rénaldienne risque, heureusement, de perdurer jusqu'à la saison prochaine. Ah! Le mal de créer obsède ma jeunesse. Quand je vous ai dit, c'est dès la naissance. Je suis en train de vous conter des histoires, moi, là. Anastasie, l'ennui m'anesthésie. Je mesure aujourd'hui combien favorisé j'étais quand je travaillais chez Petit Louis. Habillé en course sur scène dans l'entreprise modèle, je participais à l'expansion. À 6 heures du matin, levé comme un aveugle, se laver, ravaler son café, s'enfoncer dans le noir, prendre le bus d'assaut, piétiner dans le métro, c'était le pied. Anastasie, l'ennui m'anesthésie. Cavaler pour pointer, cavaler au vestiaire, enlever sa casquette devant le chef, faire tourner la machine, peigner toute la journée dans l'huile polluée, quelle santé. Surtout ne pas parler, mais ne pas trop rêver, c'est comme ça que les accidents arrivent. Et puis le soir venu, repartir dans l'autre sens, vers le même enthousiasmant voyage. Anastasie, l'ennui m'anesthésie. Insta- instrumental. Anesthésie, l'ennui m'anesthésie. Heureusement un jour, sur pont de Sèvres-Montreuil, dans le bain de vapeur quotidien, dans la demi-conscience, au hasard d'un chaos, j'ai senti dans mon dos tes deux seins. Je me suis retourné, je t'ai bien regardé, et j'ai mis mes deux mains sur tes seins. Tu m'as bien regardé, et tu n'as pas bronché, bien mieux tu as souri, et j'ai dit: Anastasia, l'ennui m'anesthésia. Tu t'appelais Ernestine, ou peut-être Honorine, mais moi je préfère Anastasie. On a été chez toi, ça a duré des mois, j'ai oublié d'aller chez Petit Louis. Qu'est-ce qu'on peut voyager dans une petite carrée? Tu m'as emmené partout où c'est bon. Et puis un jour comme ça, pour éviter l'ennui, on a décidé de se séparer. Anastasie, l'ennui m'anesthésie. La morale de ce tango, tout à fait utopique, mais c'est pas interdit de rêver. C'est que si tous les prolos, au lieu d'aller pointer, décident un jour de s'arrêter pour aller prendre leurs pieds, ou que ça leur plairait, ça serait bien moins polluant que l'ennui. Y'aurait plus de gars comme moi, comme j'étais autrefois, qui se répétaient tout le temps pour tuer le temps. Anastasie, l'ennui m'anesthésie. Robert Choquette, né en 1905, son texte s'intitule « Vivre et créer ». Ah, le mal de créer obsède ma jeunesse. Je voudrais me faire... Non, je voudrais me faire à 5h15, puis me défaire à 5h30. C'est-tu possible, ça, docteur? Mais... Non, je sais pas, on dirait que mes lunettes sont pas stéréo. On recommence. Ah! Parce que c'est l'éclairage. Je t'ai dit, mets de l'argent là-dessus. On voit rien. On est en train de tâter. C'est pas du braille, celle-là. Hey, en parlant de braille, là, c'est quand même quelque chose d'assez intime. Rachel, le pianiste, chanteur jazzman, Rachel me disait, quelques heures avant de mourir, il dit: ah, moi, ma vie, c'est un francophone, en même temps, dans l'âme, là. Tu vas me dire, c'est un États-Unien, ouais, mais il parlait français. Et, il y avait un français québécois, puis. Non, je sais le français. Non, il n'y a pas de français québécois. Il y a un dialecte québécois. Ça, j'en parle depuis Belle Lurette, Belle Luron, la Lurée. Ça fait que là, il me dit: Reynolds. Reynolds. Là, j'ai regardé s'il était sous son nénuphar. Non, il était assis au piano. Il dit: Renald, il dit, sais-tu que moi, je dois lire la partition en braille et jouer. Puis si je commence à jouer puis je me rappelle plus de la partition, ben je braille. OK. Alors, c'est Robert Choquette, né en 1905, qui va nous... en fait, c'est un texte qui s'appelle « Vivre et créer ». Ah, le mal de créer obsède ma jeunesse. Je voudrais me refaire afin d'être plus fort et meilleur et plus pur. C'est quand même pas mal, là, plus pur. Tu sais, le gars, il dit... Ouais, là, je suis tout croche. Je suis pas exact. Je suis comme une copie brouillon. Mais je tente de chercher la vérité pour être le plus correct et le plus brillant possible. C'est touchant, là. C'est ça que ça veut dire. Ah, le mal de créer obsède ma jeunesse. Je voudrais me refaire afin d'être plus fort et meilleur et plus pur. Et pour que je renaisse et que je vive encore lorsque je reste... Oui, ça c'est compliqué, là. Parce qu'il fait comme de l'introspection, mais il se voit dans la superstructure. Puisqu'il dit « est meilleur et plus pur, et pour que je renaisse et que je vive encore lorsque je serai mort. » Un moment. Quelque chose qui touche, là. Tu sais, il y a la vie, l'amour, l'amour, c'est quoi l'amour? L'amour des mots? La mort, bien, la mort physique. La vie, bien, c'est la vie terrienne. Ça s'appelle vivre. Vivre et créer. C'est merveilleux. Non, mais pour tous ceux, si vous êtes des poètes amateurs, des musiciens amateurs, des amateurs amateurs, il y en a-tu des amateurs amateurs? Moi, j'en connais plein d'amateurs amateurs. Pour être un amateur amateur, ce qu'il faut, excuse-moi, je décroche mon micro, ce qu'il faut, c'est d'être amateur, d'avoir des buts, tu sais, d'avoir un genre de cursus. Mais dans ce cursus-là, c'est ça, tu sais, tu peux avoir plein d'envie de dire, « Ah, oh, j'aimerais tant, je voudrais, bon, bla, bla, bla, mais il faut réaliser, là. Bien beau lancer en l'air, mais il faut accueillir tout ça, là. Quand tu fais un jardin, bien beau planter des graines, faut que tu arroses. Bon, moi, ma version à moi, quand je fais un jardin, pis ça, c'est la vérité, je dis, ouais, moi, je plante, il n'y a pas de problème, là. Je plante les graines. La nature s'occupera du reste. C'est vrai. Si j'ai une bonne récolte, c'est à cause de la nature. Il a mouillé, il a fait beau, ça a poussé, ça a été heureux, il y a eu de la musique, les cigales ont chanté, les oiseaux ont chanté. Oh mon doux, et que le jardin est beau, les carottes sont belles. Là, tu te rends compte que si tu ne t'occupes pas de ton jardin, tu ne sais pas ce que ça va devenir. Et c'est pour ça que j'en fais un à chaque année. À ma manière. À ma manière, mon jardin, je n'en ai qu'un et je le veux. Il est beau, prêt à cueillir. Mais il faut laisser le temps, le soleil, la pluie, les intempéries. Non, c'est ça, c'est et les intempéries, oubliez. Raymond, rajoute et les intempéries, la madame était mêlée, là. Elle avait écrit n'importe quoi, on essayait de lire, là, puis, ouais. Ah, elle souffre de belluchette, bon. C'est une nouvelle maladie, c'est la belluchette. Je connais pas ça, moi, là, la belluchette. Moi, les maladies, moi, j'en connais mieux aussi parce que si je sais qu'elle existe, je vais l'attraper. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis un imbibeur. Moi, je suis. L'éponge et moi, là, on est nés au même moment. Ah oui. Tu sais, d'où vient l'éponge? Ben, tout bon, ben, certains, ça vient sous l'eau. C'est. Et puis, à un moment donné, on les a sortis, puis là, ah, ça amène de l'eau, puis ça s'engorge et ça se dégorge. Comme une chanteuse populaire québécoise qui nous énerve. Hein? Sans Dillon! C'est Céline Dillon! Céline Dillon! Puis là, sa gueule, en tout cas. Et le monde aime bien ça, ils vont payer cher pour entendre gueuler l'éponge Céline Dillon. Et puis donc, c'est loin de Tony Bennett, là. Oh là, tu parles de quelque chose de beaucoup plus professionnel. Quoique, ils vont me dire, hey, Céline, quand Céline, elle se met à chanter, là, c'est des autobus qui se remplissent! Ben oui, ils veulent partir, ils veulent s'en aller. Non, ils viennent. Ben oui, ils viennent. C'est ça que je disais à ma blonde hier, là. Mais elle m'a dit, on n'est pas à Vienne.

avec beaucoup de création, de flammes et de misère, et puis là, refaire ça aujourd'hui avec un monde de fous, puis les internets. J'ai déjà mal à mes intestins, imagine-toi les internets, ça passe par où, ça, là? C'est-tu des fils USB qui te parcourent tout le corps, là? Pas connaître ça, moi, là. Moi, je suis dans la vieille tradition du crayon, de la feuille, de l'efface. Ah oui. J'en ai-tu effacé des femmes dans mes vies? Au moins 5 femmes! La première, Rita Biblo, qui est ici, là, hein? Elle se cache dans les toilettes parce qu'elle ne veut pas reconnaître son beau vieux mari qu'elle a aimé. Ben, elle a aimé parce que j'étais populaire. Ça lui donnait quand même un ressort, tu sais. Bon, yon, yon, yon, bon, yon, yon, yon. Ah, vous êtes la femme de bon, yon, yon, yon, yon, bon, yon. Ah, ben oui, je l'ai connue, là, au château Frontalala. Je l'ai connu là, en dansant le yaya. Mais je dansais pas le yaya, moi j'étais yo-yo. Mais, ah mon Dieu, quel homme allais-je prendre? Le plus riche, le plus con, le plus pauvre, le plus ordinaire. Puis là, il y avait Robert qui disait au piano, là, yeah, mon Dieu. Il y avait Billy Joel qui chantait Piano Man, puis il y avait Charles Lebois qui chantait Ordinaire. Fait que là, t'écoutais ça, disais, voyons donc, toi. Qu'est-ce qu'on va faire? Personne ne répondait. Tout le monde écoutait. Je suis un gars, puis l'autre. Piano man, down lonely song, and the man. On dirait vraiment, hein? Ça, on dirait Billy Joel. On a les moyens financiers. On a trouvé un imitateur de Billy Joel. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Il veut pas se nommer. OK, c'est pas à point encore. OK, mais on sentait vraiment Billy Joel. T'as le piano de Billy Joel, là. Oui, mais le problème, c'est que mon petit monsieur, c'est qu'il n'y a pas de piano. Mais non, c'est ça. Mais dans ta tête, il y avait un piano. Dans ma tête, il y avait au moins 250$. Penses-tu m'a payé 250$ pour un affaire comme qui ressemblait même pas à Billy Joel? Vous disiez que j'étais extraordinaire. Mais oui, pour le public, là, je peux pas dire que j'ai pris un déchet. La société qui veut chanter comme, puis qui n'est pas capable. Comment ça t'écrit pas ton matériel? Mon matériel. Il faut arrêter de penser au matériel, là, tu sais, on va mourir. Fait que, il faut lâcher. Ben oui, mais là, non, mais tes propres textes, là. Hein? Tu es de quelle vibration? Vibration. Ça dépend, tu sais, quand il y a un train qui passe, il y a une vibration, mais... Non, mais... Ta composition, qui sont tes d'où viens-tu? Tes origines? Oui, origine. OK, bon. Alors, Roger, on va passer à côté de là, voyons donc. Roger, c'est pas Roger, c'est Robert. Quelle horreur! Tu trompes Roger et Robert. Ah non, mais Roger, c'est Roger Dupuis. Celui qui connaît la tôle. OK. Non, mais non, c'est une blague interne. Interne. Voyons, c'est pas externe. Là. Le monde, si tu connais Dupuis, tu vas rire. Si tu connais pas, tu vas te dire, voyons donc. Il m'a demandé de faire un site sur ses enfants. Ah, pardon? Qu'est-ce que t'as dit? Ben, il m'a demandé quoi? Il m'a tremblé. Elle est belle, elle. Moi, j'étais amoureux d'Il m'a tremblé en 72. Hey, elle avait les cheveux noirs, la robe noire. Elle était resplendissante. Puis, deux jours après, elle avait changé son linge. C'était moins intéressant. Alors, Robert, non, mais tu pensais l'émotion, hein? Tu voulais pleurer, toi, là? C'est pas le temps de pleurer! Ou presque pas. Robert Choquette, né en 1905. Vivre et créer. Hein? On dirait que je viens de Montréal, hein? Le créer. Mille après mille, je suis triste. Non, c'est créé. Alors, j'y vais. Pardon? Oui. Je sais, comme le créateur, j'ai la bouche sèche. Je me la désaltérerai. C'est Renald Gagné, oui. Mais, Renald Gagné? Errance Renaldienne, c'est KRL, 81.1? Non! Non, mais arrêtez-moi pas, c'est pas un point, c'est virgule 1. C'est une virgule, mais on dit pas. C'est 89.1, quand tu l'écris, c'est virgule 1. OK? Bon. J'étais entre l'arbre et l'écorce, oui. Alors, Robert Choquette, hein, on rit-tu? Non, mais à l'interne, ça s'arrête pas, là. C'est qui, ça, à l'interne? Ben, c'est tout le monde qui savent sans que les autres le sachent. Robert Choquette. né en 1905. Vive et créé. Ah! Le mal de créer. Ah oui, c'est vrai, je voulais prendre une gorgée de gorloton. Non, pas. Ben, ouais, mais c'est du Saturien 53. Si tu connais pas ça, le Saturien 53, c'est quand le ruisseau a coulé à Saturnin. Ça, c'est à côté d'Amos. Les glaciers d'Amos, là, quand ça fond, ça fond, ça fond, ça fond, puis c'est liquide. Quand ça fond, c'est liquide. Je ne comprends pas pourquoi, mais c'est le même, eux autres. Ils sont à part, pour ça, ça reste à Amos, ce monde-là, mais on les aime, on les aime. Puis ça donne une bonne bière, mais en même temps, de l'eau la plus pure au monde qui purifie ton âme et ton esprit. Ton esprit. Alors là, je vais prendre une 3-4 gorgées pour m'espriser, pour être plus clair. C'est-tu clair, madame Trump? Pas clair. C'est sûr, c'est pas clair, c'est rénal. Tididam, tididam, tididam. Là, on arrête ça, puis on prend juste une eau la plus pure au monde à Amos. OK, on y va. Puis ça me fait plaisir de vous dire que ça se vend aussi à Québec et puis partout sur la planète francophone. Donc, à Total La Baleine, Sherbrooke, et puis à Nazareth. Ça, c'est à Limoilou. Il y a une rue Nazareth à Limoilou. Vous saviez pas? Suivez Jésus, il va vous le dire! Voyons donc! OK, on y va. Robert Choquette, né en 1905, vive et créé. Ça n'a pas changé. Ah! Le mal de créer obsède ma jeunesse. Je voudrais me refaire afin d'être plus fort et meilleur et plus pur et pour que je renaisse et que je vive encore lorsque je serai mort. Vivre, baigner mon cœur dans l'aurore ineffable, chanter la mer profonde et les arbres épais, jusqu'à ce que la voix de mon corps périssable fasse un hymne d'amour qui ne mourra jamais. Les blés sont mûrs et la terre est mouillée. Les grands labours dorment sous la gelée. L'oiseau si beau hier s'est envolé. La porte est close sur un jardin fané. Comme un vieux râteau oublié sous la neige. Je vais hiverner. Photos d'enfants qui courent dans les champs seront mes seules joies pour passer le temps. Mes cabanes d'oiseaux sont vidées. Le vent pleure dans la cheminée. Mais dans mon cœur, je m'en vais composer l'hymne au printemps pour celle qui m'a quitté. Quand mon ami viendra par la rivière, au mois de mai, après le dur hiver, je sortirai, bras nus dans la lumière, et lui dirai le salut de la terre. Vois, les fleurs ont recommencé, dans l'étable crient les nouveaux-nés. Viens voir la vieille barrière rouillée, endimanchée de toiles d'araignée. Les bourgeons sortent de la mort, papillons ont des manteaux d'or. Près du ruisseau sont alignées les fées, et les crapauds chantent la liberté, et les crapauds chantent la liberté. Rabbit. Brr, rabbit. Brr, rabbit. Ouais. On dirait. Ouais, non, c'est un crapaud. Un crapaud qui a pas vu l'eau. Mais il a le droit de pas voir l'eau, là. On l'initie pas. C'est son choix. Alors, aujourd'hui. Il vient de dire quelque chose d'assez solennel, là, hein? Oh, j'ai chaud en dessous de la calotte. Aujourd'hui, le lundi 2 décembre 2019, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de l'auteur. Oui, compositeur, interprète. Il personnifie également le Belge Jacques Brel. Quand tu le regardes, tu comprends pourquoi. Donc, il me fait plaisir. Puis, il est peintre, oui, poète. Il est l'homme tout azimut. Quand tu dis l'homme orchestre, c'est lui, Arnaud Ascoy, avec grand plaisir. J'ai eu une chance inouïe de le voir. Il y a eu 1000 vies. C'est un des rares à avoir connu autant d'existence dans son corps respectif. Dans son corps respectif, c'est le sien, Raymond. Ben oui, je sais. C'est pas ça le même, là. Je veux dire, c'est son propre corps. Ben c'est ça. Ben oui, c'est... Arnaud Ascoy, un gars merveilleux, humaniste. Mais qui n'a pas commencé comme ça, là! Il va tout vous raconter. C'est merveilleux. Bonne écoute. C'était il y a 100 ans, au temps où mes chansons frissonnaient en pleurant au bar le tire-bouchon. C'était il y a 1000 ans, au temps où, m'endormant, je rêvais le plus grand que ce nom sans démon. C'était il y a longtemps, mon martre m'attendait, et moi je l'attendais, ma guitare à la bouche, un piano dans le cœur, espérant qu'un beau jour, le sacré cœur brûlant me crierait son âme. Grand Jacques, tu as tant espéré. Tu vois, Grand Jacques, ta raison t'a sauvé. C'était avant ce temps que je pleure à jamais, où mon âme d'enfant vomissait et saignait. C'était avant ce temps où meurent les vivants, avant même leur mort qui rit en les voyant. C'était avant ce temps qui au fond est le même, que personne, non, personne, non, personne n'aime. Le temps qui m'est compté, le temps que j'ai compté, qu'hier et demain a banni la bonté. Grand Jacques, tu as tant espéré. Tu vois, Grand Jacques, ta raison m'a sauvé. Voici venu ce temps que tu redoutais tant, qui route me déroute, toi aussi, je le sens. Voici venu ce temps qui te rebutait tant, qui goûte, te dégoûte, moi aussi il me ment. Voici venu ce temps que je redoutais tant, qui doute, me déroute, toi aussi, je le sens. Toi aussi il te ment, toi aussi, prends le temps de rêver un instant, de rester un enfant. Grand Jacques, pleurer. Tu vois, grand Jacques, continue de chanter. Tu vois, grand Jacques, nous avons tant pleuré. Tu vois, grand Jacques, à toi l'éternité. Ah ouais. Non, je savais pas qu'il m'appelait. Ouais, et moi, je pensais que c'était mon invité que je devais rencontrer à ce moment-là. Ouais, j'ai compris, ouais. Voilà. J'ai compris. Allez, on oublie. Ah ben oui. Alors, on voilà. y va. Arnaud, comment ça va? Eh ben, ça va, Reynald. Merci d'avoir accepté, parce que l'année dernière, ça s'est pas concrétisé. On devait se rencontrer, mais il y a eu des problèmes techniques. Bon, en tout cas, Oui, puis c'est les périodes de vacances. Ah, oui, on n'est pas toujours là non plus. C'est vrai. C'est vrai. Mais toi, tu fais beaucoup de choses. Tu n'es pas juste concentré sur la musique. Tu fais plein d'autres activités. Tu es peintre, tu es romancier. Ouais. Tu fais de la musique. Et oui. Et en même temps, on peut dire imitateur de Jacques Brel ou tu personnifies Jacques Brel. Voilà. En tout cas, j'interprète Jacques Brel et il se trouve que je lui ressemble et que... Comment ça? On n'y peut rien, là. Mais à quel moment... Ben voilà, on n'y peut rien, comme à tu quel dis. Moment, à quel moment tu... que tu as trouvé que tu avais la bouille de Jacques Brel, on doit te l'avoir dit souvent. Ben écoute, je vais te faire un petit résumé rapide. Je pense qu'à mon adolescence, je ressemblais encore plus à Jacques Brel, parce que là, c'était quasiment tous les jours. OK. Et bon, moi, à cette époque-là, j'avoue que Jacques Brel, c'était pas... je le connaissais pas, tout simplement, quasiment pas. J'étais adolescent, j'écoutais la musique des années 80, moi, c'est ma période, voilà. Et puis, j'ai eu un parcours professionnel un peu atypique, on pourra y revenir aussi. Et il y a 5 ans, je me suis retrouvé avec un CD de Jacques Brel entre les mains, que j'ai passé, et là, ça a été instantané. Okay. Voilà. ça a été instantané, j'ai tout de suite été saisi par les textes, la musique, l'orchestration, mais la poésie. Tu étais curieux à l'époque pour aller chercher avant, il y a 5 ans? Non, du tout. Ah non, moi j'ai découvert Brel il y a 5 ans. Mais ça a été, comme je te dis, vraiment instantané. C'est-à-dire que le soir même, je décidais de fermer ma société et de me lancer dans cette aventure Brel. De prendre des cours de chant, de commencer à chanter dans la rue, dans les bars, les maisons de retraite, etc. Et puis, 6 mois après, ma prof de chant me balançait sur scène, déjà pour mon premier spectacle. Et puis après, tout s'est un petit peu enchaîné. J'ai fait la connaissance, mais vraiment par hasard, de Laurent Delahousse, qui s'apprêtait, écoute-moi bien, à tourner Un jour un destin Jacques Brel. Donc 3 semaines après, je me retrouvais à tourner avec Laurent Delahousse un jour un destin Jacques Brel. Donc je suis dans l'émission, 4 jours de tournage. Et puis après, la rencontre avec Michou. Mais tu fais pas de lip-sync, toi, tu chantes. Ah oui, moi je chante, ouais. Je chante et j'ai un petit peu moins de maquillage que les autres à faire chez Michou, quoi. Il n'y a pas de problème, hein, t'arrives. Voilà, tu veux faire ton... moi j'arrive un petit peu de fond de teint, le costume, la chemise blanche et c'est réglé, quoi. Voilà, donc l'histoire c'est un peu ça, voilà, ça fait 5 ans que je me suis lancé là-dedans. Aujourd'hui je chante en France, en Belgique, je pars en Polynésie au mois de novembre aux Marquises notamment, là où est enterré Jacques Brel. Et puis bon, je m'intéresse vraiment, le personnage m'intéresse beaucoup, donc je suis pas mal en Belgique à chanter pour le bateau de Jacques Brel qui est en rénovation actuellement à Zeebrugge depuis une dizaine d'années, son vrai bateau, qui s'appelle l'Ascoy. C'est pour ça que moi j'avais choisi le nom Arnaud Ascoy, parce que l'Ascoy, c'est le nom du bateau avec lequel il est allé jusqu'aux Marquises, mais qui s'est échoué. Parce qu'après, il est passé de main en main ce bateau, et le dernier propriétaire l'a échoué sur les côtes de la Nouvelle-Zélande. Et deux frangins un petit peu fous qui avaient connu Jacques Brel, les frères Witteveringel, ont réussi à l'extraire du sable. Alors c'est un yacht, c'était l'un des plus beaux yachts du monde dans les années 60, hein. Donc c'est un bestiau qui fait une vingtaine de mètres de long. Donc moi je chante au pied du bateau, les gens sont sur le pont, ou dans le hangar. Alors on arrive à mettre 150, 200 personnes là-dedans. Ah oui, c'est des trucs complètement fous. Et moi, je suis au pied du bateau et je chante. Et donc tous les fonds vont pour la rénovation du bateau. Et cette année, cet été-là, je mets en connexion, donc je vais aller à Zeebruges début dans quelques semaines, là, même peut-être dans une quinzaine de jours. Et je vais faire rencontrer donc Piet Wittewrangel qui rénove le bateau et Jean-Bernard Bonshomme avec qui je pars en Polynésie, qui lui a rénové l'avion de Jacques Brel. Donc on va se retrouver tous les trois à Zeebruges cet été. Et puis, j'ai pas la date en tête, mais c'est dans quelques jours. Ouais, ouais. Ça doit être tout début août. Tout début août. Donc, ouais, là, ça va être un peu le trio infernal. Là. Oui, mais c'est un rêve que tu vis depuis 5 ans. Ah, c'est complètement fou. Depuis la rencontre que tu as eue avec Jacques Brel sur disque, c'est parti. Ah, c'est complètement fou cette histoire. Mais là, en plus, toi, tu fais de la peinture. Tu fais des... Alors, moi, j'ai ma première grosse expo de peinture en ce moment, là, du 3 au 13 juillet, place du Panthéon. Dans une galerie de 200 mètres carrés, une annexe de la mairie du 5e. Et donc voilà, j'expose 32 toiles. Il y a quelques sculptures d'une sculptrice, sculpteuse ou sculptrice, je ne sais plus comment on dit, belge. Et puis il y a aussi de très très belles photos faites par Pierre-Marie Jacquard de moi sur scène lors d'un gros spectacle Brel au mois de mars dernier. Là. Voilà. Mais comment tu fais pour jumeler tout ça, là, peintre, romancier? Et puis là, je suis sur mon recueil de poésie là, que je vais publier au printemps prochain. Je crois que tout ça, c'est juste une histoire d'organisation, en fait. Parce qu'il y a 24 heures pour moi et pour toi aussi. Exactement, mais bon, j'ai des enfants, je gère tout ça aussi. Non, je crois que c'est, si tu veux, moi, je me mets pas devant une feuille blanche en me disant « je vais écrire ». J'attends que l'inspiration vienne. Ouais. Quand l'inspiration vient, là, je prends une feuille blanche. À quel moment l'inspiration se situe plus dans… tu sais, quand tu as une idée, est-ce que tu sais que ça va devenir une toile, un roman ou une poésie ou, Si tu veux, pour une poésie… Souvent, j'ai une phrase qui me vient en tête, un petit peu comme on écrit une chanson, tu vois, puisque j'ai aussi écrit mon premier album perso. Hein. Tout ça, je te dis, tout ça en 5 ans. Hein. Oh, oui. Toutes les toiles ont été faites en 5 ans. Brel, c'est 5 ans. Mon premier album perso, je l'ai fait il y a 3 ans. Là, je suis sur le deuxième album, là, qui est beaucoup plus moderne, un peu Stromae, un peu façon Stromae, etc. Ouais, c'est bon, électro. Ouais. Là, on est dans du plus moderne, là. C'est pas mal, ça. Et puis, si tu veux, moi, voilà, dès que j'ai une idée, je me lance. C'est-à-dire, quand j'ai une idée de toile, là, par exemple, ça fait au moins 15 jours, 3 semaines que j'ai pas peint. Mais est-ce que ça te remet dans les doigts? Non, parce que je fais toujours quelque chose d'autre. Ouais, c'est ça, t'es occupé que peu importe. Puis là, en ce moment, la journée, je suis à l'expo. Et puis le soir, je suis chez Michou. Ouais. Donc ça fait déjà des journées bien remplies, ouais. Alors tu te couches très tard et tu te lèves très tôt? Je suis un peu obligé, ouais. Donc on gère le sommeil comme on peut, mais j'ai pris l'habitude parce que. Bon, je vais revenir un peu sur mon parcours. Moi, j'ai été officier de police pendant 15 ans, en police judiciaire à Paris, là. Ensuite, j'ai été détective privé. Et puis, j'ai eu une société de bâtiment. Voilà. Bon, c'est une histoire de film, ça. Si tu pourrais en faire un film, c'est donc, c'est facilement. Voilà, c'est une histoire. Tu étais policier pendant combien d'années? 15 ans. En police judiciaire, donc j'ai mais fait. Pourquoi t'as arrêté? Ça ne plaisait plus. Ça a changé. Tu sais, tous les métiers changent, tous les métiers évoluent en fonction des courants politiques, en fonction des de l'évolution de la société, tout simplement aussi. Et moi, j'avoue que j'y trouvais plus mon compte. Okay. Tu vois, je me suis... moi, j'aime bien... je suis à 200% dans tout ce que je fais, même quand je fais la vaisselle, tu vois. Mais là, j'y trouvais plus mon compte, quoi. Okay. Et beaucoup de mes collègues n'y trouvaient plus leur compte. Alors les jeunes qui arrivent, ils sont formatés, on leur dit de faire ça, ils font ça. Mais je veux dire les anciens, parce que moi j'allais passer commandant de police quand même. Les anciens, on leur fait pas faire n'importe quoi non plus. Et moi encore moins. Donc voilà, il y a des choses qui m'ont pas plu, il y a des choses avec lesquelles j'étais pas d'accord. Et plutôt que de devenir aigri comme la plupart de mes collègues, bah, j'ai préféré partir. C'est quand même audacieux de partir avec un emploi aussi stable. Bah écoute, je vais être clair, je gagnais 3500 euros par mois net. Je me suis lancé dans le métier de détective. J'ai vécu plus simplement, mais j'étais. Voilà, je dépendais de personne, je gérais mon temps comme je l'entendais. Et puis après, j'ai ouvert cette société de rénovation d'appartements. J'étais artisan, hein, moi je sais tout faire dans un appartement. Okay. Enfin, j'ai appris. T'es un homme à tout faire. Ben, quand je me lance dans quelque chose... T'essaies de confiner. Ouais. Et quand je me suis lancé dans l'aventure Brel, même si au début, j'étais pas professionnel, bien sûr. Là, t'es intermittent. Ah oui, je suis intermittent depuis 2-3 ans, ouais. Mon ami est un type énorme. Il aime la trompette et le clairon, tout en préférant le clairon, qui est une trompette en uniforme. Mon ami est une valeur sûre. Il dit souvent, sans prétention, qu'à la minceur des épluchures, on voit la grandeur des nations. Subséquemment, subséquemment, subséquemment, que je comprends pas pourquoi souvent ses compagnons l'appellent caporal casse-pompon. Mon ami est un doux poète. Dans son jardin, quand vient l'été, faut le voir planter ses mitraillettes ou bien creuser ses petites tranchées. Mon ami est un homme plein d'humour. C'est lui qui a trouvé ce bon mot que je vous raconte à mon tour. Ich schlafe nach die Hose und brillen so. Subséquemment. Comment que je comprends pas pourquoi souvent ses compagnons l'appellent caporal casse-pompon. Mon ami est un doux rêveur. Pour lui, Paris, c'est une caserne, et Berlin, un petit champ de fleurs qui va de Moscou à l'Auvergne. Son rêve, revoir Paris au printemps, redéfiler à la tête de son groupe en chantant comme tous les 25 ans. Bestagen, Gretchen, que je baisse la groupe, ein, zwei, subséquemment, que nous ne comprenons comment nos amis les Françoisen, ils osent l'appeler caporal casse-pompon Heinzweil. Grandes et belles enjambées, empreintes d'ailes sous ses pieds, le froid contre elles se déchaîne, ses démons sentent sa détresse. Elle secoura des failles, étreinte d'elle à en mourir. Tourne et retourne sans espoir. Elle traverse dans le noir. Forêt de pain, forêt d'épines. Blanche de sang, blanche sanguine. Est-ce la fin, elle s'imagine? commande bonheur, enfin vivre. À pas de loup, il se rapproche. Lune qui luit, lune qui mord. Il la devine dans le noir. Silhouette d'elle aux deux visages. Il se rapproche d'à 100 pas. Démon de blanche tapis là. De boire son ivresse, envie d'errer, de se perdre. Ils sont fin prêts à s'en saisir, tel de tout ce qui l'a. Ses désirs vacillent, elle chavire. Blanche des neiges, blanche immaculée, blanche de naufrage. Leurs pas de loup deviennent siens. Elle se transforme de chagrin. Son sang se glace de hasard. Blanche se décline de noir. Mais au plus profond de son âme, loup de tendresse, démon de gloire, elles font la neige sous ses pas. En quête d'elle, de sa voix. Blanche des neiges, des montagnes, blanche lumière des campagnes, blanche senteur d'un matin, blanche ma belle, reviens-toi. Pas professionnel, si tu veux, je m'impose des règles. C'est-à-dire, tu n'es pas professionnel, mais les gens doivent penser que tu es professionnel. Donc, tu es bien préparé, tu es bien habillé, tu es à l'heure, tu es correct. Et là, les gens commencent à te regarder d'un autre œil. Et voilà, c'est, ouais, c'est une règle que je m'impose, mais parce que je suis comme ça. Puis tu sais, dans la police, quand tu as rendez-vous à 6h, c'est pas 6h05. Hein. Tu vois, donc les rendez-vous, c'est les rendez-vous. On ne peut pas attendre, on est le matin pour interpeller les gens ou autre. On avait rendez-vous à 5h30, on était 8. Si tout le monde arrive quand il veut, on s'en sort plus, quoi. Donc, ça va? Oui. Moi, je vais prendre un panaché, s'il vous plaît. Moi, je vais prendre un verre d'eau puis un coca. OK, merci. Donc, j'ai une énorme rigueur. Énorme rigueur que j'impose aux autres et que j'impose surtout à moi-même. Donc je veux dire, je sais pas combien de concerts j'ai pu faire maintenant, peut-être 150, j'en sais rien. Mais tout s'est toujours bien passé. J'ai rien à me reprocher, j'ai toujours donné le maximum, j'ai toujours arrivé, je suis toujours arrivé avec la voix prête. Donc bon voilà, j'ai toujours fait illusion en fait. Et maintenant que bon, on peut dire que je suis quand même voilà, un professionnel en tout cas de Jacques Brel, ben, les gens le ressentent et voilà, c'est, je vais de plus en plus en Belgique, on me demande de plus en plus. Et j'aime la rigueur belge d'ailleurs. J'aime la rigueur belge parce que c'est des gens qui sont à la fois gentils, doux, humains, mais le boulot c'est le boulot. Voilà. Alors que je vais être très clair, en France, les concerts sont assez souvent pas très très bien organisés. Il faut courir après les gens, il faut relancer les gens 50 fois, c'est pénible. Enfin moi c'est pas mon. Voilà, c'est pas mon truc quoi. Donc j'adore aller en Belgique. J'y vais de plus en plus et j'en suis ravi. C'est bien, c'est bien. Tu fais, en plus, tu fais un travail qui te plaît, qui satisfait. Mais bien sûr que ça me satisfait, mais c'est voilà, tout ça, c'est des sacrifices aussi. Hein. Oh. J'habitais dans 100 mètres carrés à Paris. Voilà, mon épouse n'a pas du tout apprécié ce changement professionnel. Je me suis retrouvé dans une chambre de bonne de 15 mètres carrés avec ma fille. Okay. Voilà, donc il a fallu faire le choix, j'ai fait le choix. Mais tout ça, c'est une très belle histoire, mais il y a des sacrifices derrière tout ça. Tu poursuis tes rêves, mais tu les assumes aussi. Ah, complètement. Complètement. Et mes rêves ne s'arrêtent pas du tout là, d'ailleurs. Donc je sais à peu près où je veux arriver. Ah ouais, mais t'as un plan de match. Voilà, c'est-à-dire que bon, voilà, le but, c'est l'Olympia. L'Olympia. Ouais. Alors j'ai déjà, on m'a déjà promis une première partie à l'Olympia. Mais c'est dans, avec ton propre matériel. Non. Moi j'aimerais, alors mon rêve le plus fou, ce serait de refaire le même Olympia que Brel, le dernier. Ouais, le dernier Olympia de Brel, faire exactement le même à l'Olympia. Bon là je fais déjà partie d'un gros spectacle Brel où on est quand même jusqu'à 16 sur scène. Il y a 7 musiciens, 8 danseurs. Mais voilà, le but ultime, c'est le même Olympia que Brel à l'Olympia. Et voilà, un grand producteur français m'a promis une première partie à l'Olympia dans les mois qui viennent. Dans les mois qui viennent? Ouais. Es-tu un tracteur? C'était même pour te dire, j'étais même déjà programmé il y a quelques semaines pour une première partie à l'Olympia, mais pour des raisons techniques, ils m'ont annulé quelques jours avant. C'était pendant le concert de Vanessa Paradis? Non, non. Là, je préfère rien dire parce que sinon, on saura de quel producteur il s'agit. Ouais, et voilà, je ne veux, veux pas le citer pour l'instant. Okay, donc, mais tout va bien pour toi? Écoute, on avance. Moi, c'est en disant ça, je rigole dans ma tête parce que je pense à ma copine que ça fait rire tout le temps. Mais c'est vrai que j'ai un peu que ce mot-là à la bouche. Mais pour moi, l'immobilisme, c'est un peu la mort, tu vois. Donc, qu'on se trompe, qu'on aille à gauche, qu'on aille à droite, bon, peu importe, mais il faut avancer. Il faut avancer. La philosophie de Jacques Brel aussi. Mais complètement, c'est pour ça que c'est un personnage qui m'attire énormément, parce que ben, moi, je vais au bout de mes rêves aussi, toujours. Et voilà, sa philosophie est la mienne. Il faut avancer, il faut se tromper, il faut pleurer, il faut crier, il faut se marrer, il faut... il faut vivre, quoi. Il faut vivre, hein. Avoir que la tête dans les étoiles, ben, on n'est pas que esprit, on est corps aussi. Mais on n'est pas que corps non plus. On est pas tout. Voilà, donc tout ce qui est matériel, le pognon, etc., c'est important. Mais voilà, moi, je suis très... En même temps, j'ai les deux pieds sur terre et en même temps, j'ai la tête dans les étoiles, quoi. Voilà. Donc, je jongle entre ces deux mondes parallèles. Voilà. Et ça me convient très bien. Mais une chose que j'ai la difficulté à comprendre, pourquoi tu t'es attardé à Jacques Brel uniquement il y a 5 ans et non pas au début quand on t'a dit que tu ressemblais à Jacques Brel? Alors, je vais t'expliquer pourquoi, tu vas tout de suite comprendre. Il y a à peu près 5 ans, j'avais quasiment jamais chanté de ma vie. Pourquoi? Parce que j'avais un problème vocal. J'avais pas mué, j'avais la voix qui oscillait entre le grave et l'aigu, etc. Et je pouvais pas chanter, tout simplement. Tout simplement. Et c'est ça qui a été magique, c'est que le jour où j'ai mis ce CD de Jacques Brel, Ben, qu'est-ce qu'on fait quand on est tout seul? On chante, on danse, on s'amuse. Et je me suis amusé à chanter comme lui. Et ça a été immédiat. C'est pas une imitation. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que ma voix s'est immédiatement posée. Ouais, elle s'est posée sur la sienne tout de suite. Et du coup, là, par exemple, je te parle, je n'ai pas du tout la même voix que celle que j'avais il y a 5 ans. Ok, ok, ok. Le chant m'a fait, bah, tu vois, m'a fait muer. Tu vois, j'ai mué. À plus de 40 ans, j'ai mué. Et j'ai découvert ma voix. J'ai découvert la musique. Je ne connaissais pas une note de musique. Toujours pas, d'ailleurs. Je fais tout à l'oreille. Et ça ne m'empêche pas de diriger cette musicien, tu vois, professionnel. Donc voilà, c'est pourquoi effectivement je me suis pas lancé là-dedans avant, tout simplement parce que je savais pas chanter, que je pouvais pas chanter. Voilà. Donc, mais par contre, à partir de ce moment-là, à partir de ce jour-là, j'ai travaillé tous les jours. Tu vois, donc les gens pensent que ça fait 10 ans que je prends des cours de chant, que ça fait 10 ans que je suis dans le spectacle. Ben non, non. Même un an après, les gens me disaient ça. Mais parce que j'ai travaillé tous les jours. T'es un besogneux, t'es un... Écoute, je m'étais fixé comme objectif d'en vivre. À ce moment-là, j'avais plus rien. Ah ouais, c'est ça. Je vivais des pièces qu'on me donnait dans la rue en chantant, quoi. Donc, Donc, il a fallu progresser vite. Tu ne peux pas faire ça longtemps, là. Tu voulais vraiment chanter dans la rue, si tu veux, et compter et voir tes enfants qui comptent tes pièces à la fin de la journée. Ils te regardent pas très fièrement et toi, t'es pas très fier non plus. Donc tu te dis, bon, c'est super. Hein. Alors je me suis éclaté, hein. J'ai appris mon métier. Je veux dire, il faut attirer. Là, t'as pas un public, il faut attirer le public. C'est ça, je te dis, c'est une belle école. C'est une super école. J'ai chanté dans le métro, j'ai chanté partout où je pouvais, quoi. Et du coup, tu peux me mettre dans n'importe quelle condition maintenant. Je te fais un concert Brel, même si à côté, il y a un groupe de hard rock qui joue. Hein, c'est pas un problème. t'es motivé. Hey, à la note. À la tienne, Arnold. À la tienne. Et donc, toi, c'est un peu Brel qui t'a fait changer de vie, qui t'a... Ah, complètement. Est-ce que tu écrivais avant d'écouter Brel? Alors, ma première passion, c'est l'écriture. Moi, à l'origine, je devais être ingénieur dans l'aviation. Okay. J'ai fait 2 années, donc un bac scientifique, 2 années d'école d'ingénieur. Et puis un jour, pendant les vacances, ma mère me dit, tiens, je t'emmène voir Cyrano de Bergerac. Celle de, avec Depardieu. Alors, ça me saoulait allègrement. Sauf que quand je me suis retrouvé dans la salle... Ben, j'y suis retourné le lendemain, quoi. Et le soir même, je commençais à tartiner des pages et des pages d'Alexandrin. Okay. Donc depuis que j'ai 17 ans, j'ai la passion de l'écriture. À cause de Cyrano de Bergerac. Et ça m'a quasiment jamais quitté, même si pendant 1 an, 2 ans, t'écris pas parce que t'es dans la police, parce qu'il y a des grosses affaires, parce qu'il y a autre chose à faire, parce qu'il y a des enfants, parce que tout ça. Ça revient tout le temps. Donc j'ai commencé, j'en suis au 4e ouvrage que je publie là. Et le 5e est en préparation pour le printemps prochain. Donc ce sera un recueil vraiment là pleinement de poésie. Donc j'en ai réuni là déjà, 80 ou 90 là. Et voilà, pour le printemps prochain, il sera prêt. Comment tuer l'amant de sa femme quand on a été comme moi, élevé dans les traditions? Comment tuer l'amant de sa femme quand on a été comme moi, élevé dans la religion? Il me faudrait du temps, mais du temps j'en ai pas. Pour elle je travaille tout le temps. La nuit je veille de nuit, le jour je veille de jour, le dimanche je fais des extras. Si j'étais moins lâche, je trouve que ce serait dommage de salir ma réputation. Bien sûr, je dors dans le garage. Bien sûr, ils dorment dans mon lit. Bien sûr, c'est moi qui fais le ménage, mais qui n'a pas ces petits soucis. Comment tuer l'amant de sa femme quand on a été comme moi, élevé dans les traditions? Y'a l'arsenic, ouais, c'est trop long. Il y a le revolver, mais c'est trop court. Il y a l'amitié, c'est trop cher. Il y a le mépris, c'est un péché. Comment tuer le monde, sa femme, quand on a reçu comme moi la croix d'honneur chez les bonnes sœurs? L'amant de sa femme, moi qui n'ose même pas le lui dire avec des fleurs. Comme je n'ai pas le courage de l'insulter tout le temps, il dit que l'amour me rend lâche. Comme il est en chômage, il dit en me frappant que l'amour le rend imprévoyant. Je crois que c'est amusant pour un homme qui a mon âge, qui n'a plus de femme et 11 enfants. Bien sûr, je leur fais la cuisine, je bats les chiens et les tapis. Le soir, je leur chante Nuit de Chine, mais qui n'a pas ses petits soucis? Pourquoi tuer l'amant de sa femme, puisque c'est à cause de moi qu'il est un peu vérolé? Pourquoi tuer l'amant de ma femme, puisque c'est à cause de moi qu'il est pénicilliné? Vous écoutez Errance Rénaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Venez danser, mademoiselle, je vous prie, venez danser, mademoiselle. Douce nuit, venez danser, mademoiselle. Je vous suis, le temps qu'il nous reste doit être à la fête. Venez danser, mademoiselle, je vous prie, venez danser, mademoiselle. Douce nuit, venez danser, mademoiselle. Je vous suis, l'ultime valse de Vienne. Pourquoi ai-je laissé le temps nous séparer durant toutes ces années? Le temps s'évapore, fine goutte d'or, en nuage de fumée. Il se joue, s'amuse, souvent se folute pour nous asseoir à ses pieds. Le voilà qui s'enfuit, me voilà qui le suit, je ne peux le rattraper. Venez danser, mademoiselle, je vous prie, venez danser, mademoiselle. Douce nuit, venez danser, mademoiselle. Je vous suis, il me faut me dépêcher. Mon amour, me voilà, cœur en émoi. Le sauras-tu? Je ne sais pas. Venez danser, mademoiselle. Le temps presse, venez danser, mademoiselle. Douce messe, venez danser, mademoiselle. Le temps cesse, il toupie de moi, m'emporte dans la ronde. Venez danser, mademoiselle. Le temps presse, venez danser, mademoiselle. Douce messe, venez danser, mademoiselle. Le temps cesse, il se tapit, me seconde. J'ignore votre cœur, déclare mon amour en ce jour de pardon. J'ignore votre amour, vous dévoile mon cœur en cet instant de chaos. Que de regrets je pleure, que de larmes m'effleurent en cet âtre de silence. Pourquoi m'être taire et pourquoi me baïonner dans le feu de la décence? Venez danser, mademoiselle, je vous prie, venez danser, mademoiselle. Douce nuit, venez danser, mademoiselle. Je vous suis, il me faut me dépêcher. Mon amour, me voilà, cœur en émoi. Le sauras-tu? Je ne crois pas. Venez danser, mademoiselle, douce fleur, venez danser, mademoiselle. Douce peur, venez danser, mademoiselle. Douce horreur des vies se mêlent au-dessus de mon âme. Venez danser, mademoiselle, douce fleur, venez danser, mademoiselle. Douce peur, venez danser, mademoiselle. Douce horreur, les canons grondent de fête. Enterré mais vivant au fond de ce cratère, je peux à peine bouger. Autour de moi chaigne quelques vieilles teignes, nul ne saurait s'en soucier. Ma belle Virginie, mon cœur se déchire, je fuis de l'autre côté. Jamais tu ne sauras, jamais tu n'entendras la voix de ton bien-aimé. Venez danser, mademoiselle, je vous prie, venez danser, mademoiselle. Douce nuit, venez danser, mademoiselle. Je vous suis sans même vous déranger. Mon amour, me voilà, je m'évapore. bel et bien mort, sans m'apprendre. Qu'est-ce qui te fait prendre le crayon? Ben, tu sais, comme je te dis, j'ai une vie quand même où je bouge beaucoup. J'aimerais me relancer dans un roman, mais là, c'est 4-5 heures par jour. Ah ouais, ouais. Tu vois, là, c'est tu vis avec tes personnages pendant une année, quoi. Donc, je peux pas me permettre ça. J'adore la poésie. Donc, alors, je ne lis pas. Hein. Ça va faire rire tout le monde, mais si j'ai lu 50 bouquins dans ma vie, c'est tout, quoi. Tu vois, je lis pas, et non seulement je lis pas, mais aujourd'hui je ne lis pas volontairement. Voilà, il m'est arrivé il y a quelques années de me replonger dans un Balzac, je crois, ou je ne sais quoi. Bon, voilà, c'est des auteurs qui écrivent tellement bien que. Et puis qui écrivent tellement bien que tu n'as qu'une envie, c'est d'essayer de faire pareil. Tu vois, et quand tu essayes de faire pareil, ben, tu es mort. Parce que tu n'y arriveras pas, parce que c'est pas toi. Et que ça n'a aucun sens en fait. Donc je ne lis pas. De toute façon, j'ai pas le temps. Mais je ne lis pas et ça me convient très bien comme ça. Je veux dire, bon, j'ai même à l'armée, j'ai donné des cours de français, etc. Bon, je veux dire, voilà, je pense que j'ai les compétences entre guillemets pour. Et pour la peinture, c'est pareil. Je vais pas dans les expos parce que je veux pas me faire influencer. Si tu viens à mon expo de peinture, tu vas pas te dire tiens, ça ressemble à machin, ça ressemble. Non, ça ressemble à personne. Il y a des choses extrêmement différentes. Du feutre, de la peinture à l'huile, de l'acrylique, de l'encre de Chine. Voilà, même ma dernière peinture, c'est un peu une sculpture en 3D suite à l'incendie de Notre-Dame. Donc des choses très différentes, mais je m'inspire de personne. Voilà, donc... voilà, tout le monde me dit, va voir un tel, moi j'y vais pas. Je reste dans mon... Alors bien sûr, je suis influencé comme tout le monde. Hein. Je marche dans la rue, je prends le métro, je vais chez des gens, je vois des tableaux, je vois des choses qui me donnent des idées, etc. Mais je vais pas aller dans une expo en me disant, je vais chercher l'inspiration, quoi. Déjà parce que j'en ai pas besoin, ça foisonne là-dedans. C'est une urgence, c'est ça. Et mon album perso, c'est pareil. Je veux dire, j'ai commencé à chanter Brel, 2 ans après, j'étais sur mon album perso. Avec un... Oui et non, parce que je voulais absolument un compositeur qui ait travaillé avec Brel ou qu'il ait connu ou qui soit de son époque. J'ai trouvé un monsieur, Gilbert Cascales, j'en ai rencontré plusieurs. Hein. Et ce monsieur avait fait la première partie de Jacques Brel lors d'une tournée en Guadeloupe, je crois. On s'est rencontrés 5 minutes après, on décidait de faire l'album ensemble. Quoi. Voilà. Donc on s'est vus chaque semaine, j'ai sorti mon album. Donc c'est de la chanson à texte avec de jolies mélodies. On va dire que on est dans la patte Brel, enfin on est dans cet esprit en tout cas, voilà. Et la société étant ce qu'elle est, bah, ça ne fonctionne pas. Alors moi, c'est pas grave. Je passe mon temps à faire des concerts, donc je vends mes CD sans problème à la fin des concerts. J'en ai vendu au moins 1500 déjà, c'est pas le souci, mais ça ne fonctionne pas. Sauf que depuis 2-3 ans, la chanson à texte revient. Et j'en suis très heureux et je trouve que même en France, il y a de jeunes artistes français vraiment... très très intéressant, avec des beaux textes, avec des belles mélodies. Ça revient, moi je l'ai vu, je m'en doutais il y a 2-3 ans. Je pense que mon premier album est un petit peu trop, j'allais dire classique, mais oui, peut-être c'est juste du piano-voix. Maintenant il faut quand même des sons un peu modernes, il faut des rythmes, il faut des choses qui accompagnent tout ça. Donc là j'ai fait 4 nouveaux titres. Alors voilà, on est dans la... J'adore Stromae, j'adore Grand Corps Malade, j'adore ces chanteurs-là. Donc on est dans cet esprit-là. Là. On est dans le hip-hop, on est dans le rap, on est... Ouais, voilà. Donc si je te fais écouter ces titres, tu reconnaîtras même pas ma voix. Mais voilà, là j'ai... Alors donc je suis en train de chercher un producteur, là d'ailleurs, pour ce nouvel album. Tu vas sortir à l'automne? Ben je sais pas du tout, parce que s'il n'y a pas de producteur, il n'y a pas d'album. Okay. Donc je travaille avec un monsieur qui s'appelle Nicolas Lassu, qui a composé pour Vincent Niclot, Tal, Sean Paul, etc. Donc qui a participé à Génération Goldman, à l'Eurovision, etc. Donc c'est un jeune d'une trentaine d'années qui est non seulement très prometteur, mais qui est en train même d'exploser là, tellement il est bon. C'est lui qui m'accompagne en piano-voix sur les concerts Brel. Okay. Et c'est lui le directeur musical du gros spectacle Brel, puisqu'il a réécrit toutes les partitions pour chaque instrument. Puisque j'ai la chance d'être accompagné d'un quatuor à cordes, okay. Entre autres. Ouais. Et c'est lui qui a tout réécrit pour tout le monde. Okay. Donc c'est un type qui est hyper doué, que j'adore, et on adore bosser ensemble. Quoi. Voilà. Et qu'est-ce qui te fait prendre le crayon qu'est-ce qui te fait... L'instant. Le dernier poème que j'ai écrit, c'est il y a 3-4 jours, j'étais dans le métro. Il y avait un type de l'Est qui était en train de jouer de l'accordéon, tu sais, mais son accordéon avait carrément un son d'orgue. Et il jouait de la musique d'église. C'était magnifique, ça résonnait dans les tunnels, c'était superbe. Moi, j'étais sur le quai d'en face, il a vu que j'étais à l'écoute, ouais, attentif. Et dès que je suis rentré dans la rame de métro, j'ai pris ma feuille, mon crayon. Et une demi-heure après, le poème était terminé, quoi. Donc il s'appelle l'accordéoniste, évidemment. Et c'est ça, en fait, c'est l'instant. C'est-à-dire que je ne vais pas passer 5 heures devant une feuille. Quand c'est le moment, ben, il suffit juste d'être disponible à ce moment-là. Quoi. Et là, la peinture, elle... La peinture, c'est pareil. Tu te places devant la toile et tu commences... La peinture, c'est pareil. Des fois, j'ai pas envie de peindre. J'ai envie de faire autre chose. Je vais pas me dire, bah tiens, je vais peindre. Non, j'ai pas envie, je fais autre chose. Mais tout à coup, ça me prend. L'urgence, toujours l'urgence. Voilà, toujours l'urgence. Et quand ça me prend, tu m'arrêtes plus. Okay. C'est-à-dire que quand ça me prend, je vais peindre 10-15 heures d'affilée. Si je peux, si j'ai le temps, bien sûr. Et ça va avancer assez vite. Alors voilà. T'es déterminé. Donc, ma compagne, tu vois, elle sait que dans ces moments-là, c'est même pas la peine d'essayer de me parler, quoi. Tu vois, je suis... Ah ouais, je suis dans... Comme sur scène, comme... voilà, je suis devant ma toile. Alors, si c'est des détails techniques à faire, machin, on peut papoter en même temps. Mais il y a des moments où, voilà, elle le sait, elle le voit, c'est pas la peine de me parler, il est en train de se passer des choses sur la toile, là. C'est fou. C'est quoi, t'es en ligne médiane avec l'inspiration ? Ouais, franchement, c'est un état, voilà, c'est un état second, quoi, que je peux provoquer aussi parce que, parce qu'on se familiarise avec tout ça. Okay. À force. Tu commences à comprendre le roi. Donc, exactement. Donc par exemple sur scène, avant il me fallait plus de temps. Maintenant, 3-4 minutes avant de monter sur scène, ça me suffit pour être connecté avec tout ce qui m'intéresse. Tout ce dont j'ai besoin sur scène. Et je suis plus vraiment moi-même et je suis en pleine confiance parce que je sais que je suis pas tout seul. Et voilà, et il peut plus rien m'arriver à ce moment-là. Mais toi, ta grande force, c'est la diversité. Bah oui, parce que si tu veux, c'est vrai que je connais beaucoup d'artistes qui sont aigris, qui sont frustrés parce que, par exemple, ils ont que le chant. Et ça marche pas, et ça avance pas comme ils voudraient, alors ils se mettent à la picoler, à se droguer, à machin, parce que ça avance pas comme ils veulent. Moi, quand la poésie ça fonctionne pas, bah, je peins. Quand la peinture ça fonctionne pas, bah, je chante. Tu vois, je veux dire, je suis jamais en peine. Là, mon album perso, j'ai pas le temps de m'en occuper. Ça fait un mois et demi que j'ai pas le temps de courir les producteurs, mais c'est prêt. Les 4 titres, ils sont enregistrés, ils sont masterisés, ils sont... Voilà, tout est nickel. Tu cherches juste un producteur. Je cherche un producteur et j'attends la rencontre. Mais tu bouscules absolument. Tu vois, je bouscule... au début, je bousculais un peu les choses parce que tu as envie d'aller plus vite. Maintenant, si tu veux, je suis un petit peu, entre guillemets, on me connaît un peu maintenant. On sait où me joindre, je suis très présent sur Facebook. Je cours pas après, que ce soit les journalistes, que ce soit les producteurs, tout ça. Je cours pas après ces gens-là parce que quand je les rencontre, je dis ce que j'ai à dire, je fais ce que j'ai à faire, Ils ont mes coordonnées, si ça les intéresse, ils m'appellent. Si ça les intéresse pas, ben c'est pas la peine de les relancer. À part les emmerder, ça va pas créer grand-chose, tu vois. Donc il y a des gens qui disent qu'il faut enfoncer les portes. Parfois. Parfois, c'est nécessaire de mettre un gros coup de pompe dans la porte pour qu'elle s'ouvre enfin. Parce que des fois, t'as un type qui te bloque bêtement la porte ou quoi. Donc, faut l'évincer, celui-là. Mais globalement, voilà, tu intéresses les gens ou tu les intéresses pas. Point. Parfois, ils nous arrivent avec leurs grands chapeaux et leurs manteaux de laine que suivent leurs troupeaux, les bergers. Ils montent du printemps quand s'allongent les jours ou brûlés par l'été descendent vers les bourgs, les bergers. Quand leurs bêtes s'arrêtent pour nous boire de l'eau, se mettent à danser à l'ombre d'un pipeau, les bergers. Entre l'an et de vieux, entre l'an et de sages, qui appellent au puits tous les vieux du village, les bergers. Ceux-là ont des histoires à nous faire telle peur que pour trois nuits au moins nous rêvons des frayeurs des bergers. Ils ont les mêmes rites et les mêmes compagnes et les mêmes senteurs que leurs vieilles montagnes, les bergers. Entre l'an et de jeunes, entre l'an et de beau, qui appellent les filles à faire le gros dos, les bergers. Ceux-là ont des sourires qu'on dirait une fleur et des éclats de rire à faire jaillir de l'eau, les bergers. Ceux-là ont des regards à vous brûler la peau, à vous défiancer, à vous clouer le cœur, les bergers. Mais tous ils nous bousculent, qu'on soit fille ou garçon, les garçons dans leurs rêves, les filles dans leurs frissons, les bergers. Le vin et le fromage, et nous croyons une heure faire partie du voyage des bergers. C'est un peu comme Noël, Noël et ses trésors qui s'arrêteraient chez nous aux équinoxes d'or, les bergers. Après ça, ils s'en vont avec leurs grands chapeaux et leurs manteaux de laine que suivent leurs troupeaux, les bergers. Ils montent du printemps quand s'allongent les jours ou brûlés par l'été descendent vers les bourgs, les bergers. Quand leurs bêtes ont fini de nous boire notre eau, se remettent en route à l'ombre d'un pipeau, les bergers, les bergers. Y il me faut regarder plus haut, vers ce qui brille d'être feu, vers ce qui tendre d'être beau, vers ce qui m'aime d'être bleu, vers cette étoile qui me berce et me transporte au plus lointain. Du maître mot de ma tendresse, tendre caresse prend ma main. Tendre douceur de mes nuits, douce tendresse, grain de folie, vague de fond, vague de vie, arrose-moi fine de pluie. Fine pluie de mon existence, si belle, si loin de la berge. L'étoile naît de la cadence, l'étoile brille et se libère. Je m'en vais regardez plus haut, la voix déclamée de baiser, pour offrir ce qu'il y a de beau au cœur de rêves enchantés. Douce tendresse de mes nuits, tendre douceur, crainte de folie, vague de fond, vague de vie, élève-moi vers l'infini. L'étoile naît, l'étoile brille, elle se gorge de baisers, en brin de feu, âme fragile, elle brille de vous aimer. Je m'appelle Zangara et je suis lieutenant au fort de Bellanzio qui domine la plaine, d'où l'ennemi viendra, qui me fera héros. En attendant ce jour, je m'ennuie quelquefois, alors je vais au bourg voir les filles en troupeau. Mais elle rêve d'amour, et moi de mes chevaux. Je m'appelle Zangara et déjà capitaine au fort de Bellanzio qui domine la plaine, d'où l'ennemi viendra, qui me fera héros. En attendant ce jour, je m'ennuie quelquefois, alors je vais au bourg voir la jeune Consuelo. Mais elle parle d'amour, et moi de mes chevaux. Je m'appelle Zangara, maintenant commandant au fort de Bellonzio, qui domine la plaine, d'où l'ennemi viendra, qui me fera héros. En attendant ce jour, je m'ennuie quelquefois. Alors je vais au bourg boire avec Don Pedro. Il boit à mes amours et moi à ses chevaux. Je m'appelle Zangara, je suis vieux colonel au fort de Bellonzio, qui domine la plaine, d'où l'ennemi viendra, qui me fera héros. En attendant ce jour, je m'ennuie quelquefois. Alors je vais au bourg voir la veuve de Pedro. Je parle enfin d'amour, mais elle de mes chevaux. Je m'appelle Zangara, hier trop vieux général, j'ai quitté Bellonzio qui domine la plaine, et l'ennemi est là. Je ne serai pas héros. Sa liberté, voiler des voies de sa pensée, sans chichi, sans faire de manière, elle se montre comme elle est. C'est chaque soir qu'elle apparaît devant le grand rideau de scène. Éclat de rire et de paillettes, la démarche qui se balance, ses cheveux longs frôlant ses hanches. Tigresse à la blonde crinière, elle aiguise notre appétit puis dévore les cœurs épris. Comme chaque soir, je la séparais de sa seule dentelle. De bas de soie nue, de mes lèvres, c'est dans les airs qu'elle s'élève. C'est dans les airs qu'elle s'éveille, au son d'une musique belle. Elle est à moi, je la désire, accorde-moi juste une nuit. Comme chaque soir, je la vois se dévêtir sous mes désirs. Elle se joue de mes envies, elle me sert à sa merci. Animal dans mes faiblesses, elle se femme et me déverse tout le flot de mon agonie. Accorde-moi juste une nuit. Je me brûle au bout de sa flamme, elle brûle de mon regard. Je m'offre à vous, je m'offre à toi, me cria-t-elle un soir de rage. Elle est à moi de ses merveilles, mais lorsqu'il fallut que je paye, elle me rendit ma solitude, demain sera mon habitude. Elle effeuille sa liberté, voiler des voies de sa pensée, sans chichi, sans faire de manière, elle se montre comme elle est. Plus belle d'un jour d'après, plus vivante qu'une romance, elle dévoile le nos mystères, son corps de nos corps se défait. Voiler des voies de sa pensée, elle se montre comme elle est. Voiler des voies de sa pensée. Elle se montre.